Chers auditeurs, chères auditrices, vous écoutez bien Cinéphiles de notre temps, le podcast qui dresse le portrait des cinéphiles travaillant dans le milieu du cinéma. Avant de commencer, nous voudrions remercier nos Patreons qui nous soutiennent financièrement et nous permettent de faire notre travail en toute indépendance. Un grand merci à Paul, Jean-Noël, Guillaume, Clara, Bernard et Irène. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une belle année et une bonne écoute. Notre invité prend le cinéma sous toutes ses formes, du long-métrage cinéma à l'émission de télévision, en passant par le court-métrage et la série sur Internet. Elle y incarne aussi bien des voix que des corps, ayant commencé sa carrière de comédienne, d'abord en tant que comédienne de doublage, puis progressivement en passant devant la caméra. Vous avez pu par exemple l'entendre dans le dernier film de Quentin Tarantino, ou encore dans la série The Walking Dead. Vous avez pu aussi la voir dans de nombreux films, courts ou longs, dont Le Loufoque et Trépidant, Marie et les Naufragés, de Sébastien Bette-Bédé, mais également sur la plateforme YouTube, où elle tient une chaîne à son nom, et où l'on a pu apprécier dans ses dernières vidéos en date, une série au doux et mélancolique nom de Pensées Futiles. Notre invité semble prendre le cinéma à bras-le-corps, avide d'en éprouver tous les formats possibles, d'y faire émerger toutes sortes d'idées, d'y mêler musique, voix et corps, qu'elles soient devant ou derrière la caméra. Bienvenue Lou Howard, et merci d'avoir accepté notre invitation. On est très heureuse et heureux de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Merci. Alors comme c'est de coutume, on va passer à une citation. Alors cette fois, une longue citation de Quentin Tarantino sur le doublage. Il déclarait au Cahier du cinéma le mois dernier « Il y a au moins deux films français que je préfère en version doublée. Le chat et la souris de Lelouch et Le mépris de Godard, plus godardien que le film en VO. Pendant les 40 premières minutes, Jack Palance, dans le rôle du salaud de producteur, parle en anglais, accompagné d'une assistante qui traduit ses propos pompeux tout en le rabaissant dans sa façon de traduire. Dans le doublage anglais, de facto, elle ne fait plus l'interprète parce qu'il n'y a rien à traduire. Elle parle juste anglais, face à Palance, répétant ce qu'il dit, mais en le faisant passer pour un con, ce qui ne semble pas le déranger du tout. C'est très drôle et très juste. Si tu ignores pourquoi elle fait ça, la scène est totalement absurde et délirante. Je suis sûr que Godard n'était pas au courant de ce doublage, et même s'il l'avait été, je pense qu'il n'aurait pas trouvé mieux. Voilà, alors est-ce que ça te parle, toi, justement, l'idée qu'on puisse être cinéphile tout en préférant des films, non pas dans leur version originale, mais dans une version doublée? Est-ce que toi, t'as grandi avec le doublage aussi? Est-ce que ça a construit ta cinéphilie? Complètement, ouais. Complètement. Bonjour. Complètement. Je trouve, il y a un directeur artistique de doublage qui s'appelle Hervé Ikovic et qui m'a dit un truc assez juste un jour. Il m'a dit, la VF, c'est juste la deuxième version d'un même film. C'est juste une autre version, en fait, du film. Parce que changer la bande-son, c'est pas anodin, hein. On change vraiment tout, quoi. Et il y a aussi une chose qu'on tend à oublier, c'est marrant, t'as parlé de Godard, mais justement, quand il a commencé ses films, ils étaient tous post-synchronisés, tous. Et ça, on l'oublie un petit peu aussi. Et il y a un autre truc qu'on oublie aussi, c'est que le son, c'est le plus grand traficotage du monde au cinéma. C'est que quand on regarde un film en VO, il y a de la post-synchro, les comédiens ils se post-synchronisent après, beaucoup plus qu'on l'imagine. Et puis, en fait, tout est refait, quoi. Par le montage, par la création de sound design après, etc. Le son, ouais, c'est un bel artifice, quoi. Tout à fait. Et d'ailleurs, dans toute une part de l'histoire du cinéma, on pense à ces grosses productions italiennes, genre Le Guépard, tous les castings internationaux, où en fait, personne ne parle la même langue sur le plateau, en fait. Donc, Et oui, et il y a ça. Alors, il y a ça dans le cinéma, je dirais, mainstream, mais il y a aussi beaucoup ça dans le porno, en fait. Dans le porno, au tout début, dans le cinéma pornographique, il y avait des comédiens de plusieurs nationalités. Donc, c'est en partie pour ça qu'on les doublait. Parce que sinon, il y en avait un qui parlait allemand, l'autre français, et bon, c'est pas très cohérent. Comme anecdote, c'est génial. Une très belle entrée en matière. Eh oui. Bon, sans transition, on va passer à ton portrait. Difficile de faire une transition avec ça, quand même. Mais donc, on va passer à ton portrait. Et la première question qu'on t'a posée, c'est si tu étais une mère au cinéma. Et t'as répondu Béatrix Kiddo dans Kill Bill. Ouais. Voilà. Est-ce que tu peux développer un petit peu là-dessus? Parce que c'est la maman... pour moi, c'est vraiment la maman. Parce que ce qui pousse ce personnage à littéralement aller buter tout le monde, c'est parce que elle pense que on lui a retiré son enfant, c'est-à-dire que elle se réveille, elle était enceinte et puis elle l'est plus parce que son ex a voulu la buter, quoi. On est là-dessus. Et donc en fait, ce qui la pousse à avoir autant de violence, c'est l'amour. Donc moi, je suis pas quelqu'un de violent. J'adore la violence au cinéma parce que c'est esthétisé et parce que justement, ça nous empêche d'aller faire de la vraie violence dans la vie qui est vraiment pas belle. Je trouve, voilà, la violence c'est mal. Je vais dire beaucoup de choses très très intelligentes, mais en gros, ce que je trouve génial là-dedans, c'est que ce qui la pousse à faire ça, c'est son amour pour son enfant en fait. Voilà. Et c'est vrai que c'est ce qui l'humanise en fait au début et à la fin du film, son amour pour son enfant, parce que sinon le film est très violent. Et ouais, gratuitement. C'est un personnage extrêmement abstrait qui est dans le mouvement tout le temps, en fait. Et c'est vraiment sa qualité de mère, finalement. Donc, c'est assez beau comme personnage de ce côté-là. Mais ce qui est étonnant aussi, c'est qu'elle est dite mère dès le départ, mais qu'en fait, elle n'est vraiment pas vue comme un personnage de mère durant les deux films. Ouais. Elle ne le devient qu'à la fin. Donc, c'est assez étonnant comme choix, parce que c'est une mère qui ne le devient vraiment qu'à la fin, quoi. Elle n'est pas du tout définie par son rôle de mère. En effet, elle est définie par son rôle de guerrière. Et en fait, c'est une mère comme les autres. C'est ça aussi que je trouve joli. C'est que au fond, c'est ce qui la rend sensible, quoi. C'est que c'est pas juste une guerrière qui tue de sang-froid. C'est que c'est aussi une maman qui a peur pour son bébé. Il y a une scène, notamment, je sais plus si c'est dans un ou le deux, parce que pour moi, les deux films, c'est un seul et même film. Donc, je confonds pas mal de scènes parfois. Mais il y a une scène où en fait, elle vient d'apprendre qu'elle est enceinte et il y a une tueuse qui essaye de la buter dans sa chambre d'hôtel. Et là, elle a des réactions où pour la première fois, elle va dire « S'il te plaît, ne me tue pas, je viens d'apprendre que je suis enceinte. » Genre là, vraiment, ma vie n'a pas le même prix, quoi. Oui, ça change un truc totalement dans sa vision du monde, c'est assez étonnant. Ouais. On t'a demandé en deuxième question si t'étais une voix au cinéma, laquelle serais-tu ? Et tu nous as répondu par la voix de Judy Garland dans A Star Is Born, et notamment sa voix dans la scène de projection. Alors je te laisse développer pourquoi cette voix et un peu contextualiser peut-être cette scène qui est particulière. Ouais, alors la scène à laquelle je pense, c'est une scène de mise en abîme, parce que de manière générale, en fait, la version de Star Is Born de Cukor, c'est déjà un remake en fait. Star Is Born, il y a eu énormément de remakes, donc c'est déjà un remake celui-là. Et dans cette version, Cukor s'est énormément basé sur la vraie vie de Judy Garland. C'est-à-dire qu'ils ont pris des éléments de sa vie qu'ils ont un peu transformés pour pas que ce soit trop reconnaissable non plus, mais ils ont beaucoup discuté tous les deux pour que le personnage lui ressemble et ait vécu un peu les mêmes choses. Et en fait, dans cette scène, juste avant, le personnage de Judy s'assoit dans une salle de cinéma pour se voir à l'écran et elle interprète un personnage qui raconte sa vie de comédienne. Donc en fait, c'est une belle mise en abîme sur l'écran de cinéma. Et c'est une mise en abîme tout en chanson. C'est une chanson très très longue qui fait, je sais pas, 10 minutes, un truc comme ça. C'est très long. Où elle joue une actrice qui retrace son parcours. Et c'est là qu'il y a des vrais éléments de la vie de Judy Garland, où elle parle des castings, elle parle de comment elle a galéré. Elle parle du fait que les producteurs sont vraiment toxiques pour les comédiennes à un moment. Il y a vraiment juste une toute petite phrase sur ça. Et tu fais « Ah, déjà !» Ah là là, voilà. Et moi, ce que je trouve magnifique, c'est que Judy Garland, elle a une voix tellement particulière, en fait. Je trouve que c'est une comédienne qui s'est vraiment travaillée avec sa douleur, en fait. C'est quelqu'un qui souffrait beaucoup et qui, je trouve, quand elle travaille, on sent qu'elle essaye de tenir debout tout le temps. Je trouve ça toujours très bouleversant, même quand elle chante des trucs très joyeux, très légers. C'est toujours quelqu'un qui en lutte avec son corps et je trouve ça magnifique. Oui, exactement. Ouais. C'est ce que je voulais te dire. C'est que moi, j'avais trouvé que c'était une voix extrêmement incarnée où elle chantait, où elle parlait vraiment avec tout son corps et on sentait que c'était un travail, quoi, qu'il y avait quelque chose de presque douloureux, mais en tout cas hyper physique. Tout son corps fonctionne et est en marche quand elle chante. Et c'est aussi un peu particulier parce que c'est une scène où elle chante, elle fait du chant parlé et où elle parle. Enfin, elle a vraiment ces trois voix différentes à chaque fois. Oui, et la partition est extraordinaire. Enfin, toute la musique, c'est très, très beau. C'est magnifique. Je suis fan. Alors, ensuite, on t'a demandé si t'étais une couleur au cinéma. On va revenir sur Kill Bill, donc, parce que tu nous as cité la tenue iconique de Béatrix Kiddo. Oui. Et tu nous as aussi cité la robe d'Emma Stone dans La La Land. Voilà, avec le jaune, donc. Oui. Bah, c'est ma couleur préférée. Et je pense que c'est pas pour rien. C'est une couleur qui a accompagné mes films préférés. Donc, c'est vrai, tu penses à d'autres films, là, comme ça ou... En fait, c'est vraiment ces deux-là. Kill Bill, La La Land, c'est des films que j'aime énormément. Et le jaune, c'est ma couleur préférée. Je pense que c'est pas un hasard, mais je viens de faire le lien, en fait, là, maintenant. Oui, c'est drôle. Et t'as cité deux tenues, en fait, deux costumes qui sont extrêmement symboliques, extrêmement iconiques, même, on peut dire. Et est-ce que t'es attachée, d'ailleurs, aux costumes au cinéma ou... Ah ouais, énormément. Je trouve que un costume, déjà, pour un acteur, c'est la dernière touche avant qu'il puisse jouer. Enfin, je trouve que, par exemple... J'ai connu dans ma carrière quelques rôles où j'avais pas fait le travail tant que j'avais pas le costume, en fait. J'avais beau avoir bossé, il me manquait toujours quelque chose. Mais une fois que j'avais fait les essais, costume, et bah ça y est, en fait. J'étais le personnage parce que ça apporte quelque chose au corps, encore une fois, de mettre un costume. Et c'est marrant aussi parce que c'est des costumes qui sont vraiment d'une pièce. En fait, tout est jaune. Et donc, toi, qu'est-ce qu'elle t'évoque un peu cette couleur? Parce que c'est vraiment des costumes qui vont d'un bloc, qui sont tout jaunes. Et donc, toi, elle t'évoque quoi, cette couleur, un peu? Le jaune, c'est une couleur de... C'est la couleur la plus solaire, par excellence, quoi. Ça m'évoque vraiment tout ce qui est très solaire. Et en même temps, ça m'évoque des émotions très fortes, en fait. Une espèce de générosité dans les émotions et une espèce de... Waouh! Waouh, c'est jaune, quoi. Le personnage est ouvert, quoi. En fait, on peut le lire assez facilement. Oui, c'est ça. Et c'est assez marrant parce que quand j'étais à la fac, on avait analysé un tableau de Van Gogh. Van Gogh utilise beaucoup de jaune. Mais je me souviens, l'analyse du professeur était que le jaune, ça symbolise un peu la folie chez Van Gogh. Et je trouvais ça marrant parce que je me dis, ah, ok, la manière dont on gère ses émotions, ça peut très vite être confondu avec de la folie, quoi. Et puis, c'est je sais pas, c'est marrant. Emma Stone, elle chante quand même « Here's to the fools who dream » à la fin. Il y a quelque chose de cet ordre, peut-être. Mais en fait, c'est une couleur hyper radicale, en fait. C'est pas une couleur passe-partout, jamais. Oui. Contrairement au bleu, par exemple, ou au vert, qui peut se mêler avec la forêt, les arbres, je sais pas. Le jaune, c'est vraiment... Et c'est drôle parce que j'avais lu une citation d'un historien, Michel Pastoureau, qui étudiait les couleurs, en fait, et qui disait « Le jaune... » a été et reste une couleur mal aimée. Cela dit, si j'étais un créateur, un designer, j'investirais dans le jaune, couleur peu présente dans notre vie quotidienne. Elle a une place à prendre, un avenir, en fait. Et je trouve que ça symbolise très bien cette couleur à laquelle on peut donner beaucoup de sens. Ouais, on peut pas rater quelqu'un qui a du jaune. Moi, j'ai un bonnet jaune, les gens, ils me voient de très loin. Chez moi, quand on rentre, il y a des coussins jaunes partout. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup cette couleur. Ouais, peut-être justement parce que par exemple, pour contraster, tu parlais de la couleur bleue. Le bleu, pour moi, c'est vraiment la norme. Et le jaune, non, c'est ce qui dénote, en fait. Et c'est pour ça que ça a du sens d'habiller Uma Thurman en jaune, comme ça. Ouais. La tueuse en série, la femme trompée, bafouée, ou je sais pas. Et puis, quelqu'un qui veut se venger, je sais pas. Je trouve que ça a du sens de lui donner une telle couleur aussi. Puis un autre truc esthétique pratique, je pense aussi, c'est que ça fait ressortir le sang. C'est-à-dire que tu la mettais dans une combi bleue, le sang, il aurait paru plutôt violet, bizarre. Marron, on n'en parle pas. Et puis blanc, c'est dommage parce que le personnage d'Oranichi, elle est en blanc. Donc là, je pense qu'ils se sont dit « Allez, jaune, c'est bien ». Après avoir parlé de costumes, Lou évoque les corps dansants dans cette deuxième partie consacrée aux conditions et circonstances de visionnage. Elle nous parle de l'ode à la danse qu'est le film Dirty Dancing et de la performance merveilleuse de Patrick Swayze. J'ai retenu vraiment dans votre question le fait que vous disiez le film qui t'a donné envie de danser. Et vraiment, quand j'arrête Dirty Dancing, j'ai envie de danser. C'est vraiment tout le travail de Patrick Swayze qui me donne énormément envie de danser. Encore une fois, quelqu'un qui souffrait énormément au moment de son tournage. Je ne sais pas si ça a un lien, tout ça, mais en fait, il avait beaucoup de maux. Il avait très mal à peu près partout pendant qu'il travaillait. Et une petite part de moi qui me dit, oh, faut saluer le travail quand même, parce que le gars, il en a chié, quoi. Alors, ça veut pas dire qu'il faut toujours en chier quand on travaille. Pas du tout. Alors, loin de moi, cette idée. Mais je trouve ça vraiment très beau et très courageux de se dire que, bon, le gars, là, nous, on s'amuse bien, on regarde un truc qui nous divertit. Et il y a le gars en face qui est en train de galérer. Mais t'as envie de danser après ou pendant le visionnage? Ah, les deux. Les deux, je trouve ça... Je trouve que c'est un film qui donne vraiment envie de danser et qui nous connecte à la liberté que propose la danse. Rien que dans la scène d'ouverture, où il y a le générique en même temps et tout. J'entends la musique dans ma tête quand je dis ça, c'est trop bien. La scène d'ouverture, elle est extraordinaire parce qu'elle évoque tout de suite tout ce qu'il y a de très sulfureux dans la danse, tout ce qu'il peut y avoir de très sensuel. Et après, moi, je trouve que grâce au personnage de Jennifer Grey, avec elle, on a aussi envie de se lâcher. Elle qui, soi-disant, danse pas bien trop au début. Tu fais, oui, bon, elle joue la meuf qui danse pas bien parce que tu sais déjà que la fille danse plutôt bien. Et au fur et à mesure qu'elle progresse, ça réveille aussi dans le corps, je trouve, des envies de bouger, quoi. Et est-ce que tu te souviens, quand est-ce que tu l'as découvert, ce film-là ? Je l'ai découvert si tard. Je l'ai découvert pendant le premier confinement. Je l'ai découvert très tard, en fait. Et en plus, je crois que comme on ne pouvait pas bouger, il y avait ce truc où je me disais, mais yes, oh là là, je m'évade. En seconde question, on s'est un peu tourné vers YouTube et on t'a demandé si, en fait, ton YouTube et plus largement l'offre de visionnage sur Internet avait modifié ta manière de regarder et même après de fabriquer des films. Et donc voilà, tu nous as répondu à un truc qui m'a assez étonnée parce que tu m'as dit justement, en fait, ça m'a fait prendre conscience qu'il fallait pas regarder les films n'importe comment. Mm-hmm. Or, justement, sur YouTube ou même sur les plateformes, on aurait tendance à se dire qu'on peut regarder les films partout, n'importe comment. Donc, toi, comment, en fait, justement, ça t'a fait l'effet inverse ? Ça m'a totalement fait l'effet inverse, parce que j'ai à la fois beaucoup regardé de films, à la fois j'ai beaucoup de lacunes aussi, mais... J'ai quand même l'impression que j'ai vu pas mal de choses, en tout cas très différentes, et surtout sur plein d'écrans différents. Par exemple, quand j'étais à Montréal pour mes études en cinéma, j'avais fait un Erasmus, je regardais environ un film par jour. Pour regarder un film par jour, on était dans une coloc où il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas d'écran, il n'y avait pas de télé, j'avais mon ordi. Donc, en fait, je regardais tout sur l'ordi ou à la médiathèque de la fac. Et donc... J'ai vu des films avec un son pourri ou une image un peu meilleure. Ou... J'ai découvert aussi Suspiria dans un des derniers cinémas de Montréal, parce que c'est dramatique. À Montréal, il n'y a plus de cinéma indépendant. Enfin, il n'y en a qu'un, quoi. Sinon, c'est que des gros complexes dans des centres commerciaux et tout. Et donc, j'ai regardé des films un peu partout. Et au début, je me disais, bon, c'est pas grave du moment que je vois le film. Et aussi, je faisais autre chose à côté, genre je prenais des notes pour les devoirs, pour me dire « Ah, tel plan, machin, machin ». Donc, j'avais pas du tout les mêmes expériences de visionnage, mais je m'en rendais pas trop compte. Je me disais « Le film, il est vu, c'est OK ». Et je trouve que c'est en travaillant sur YouTube que je me suis rendu compte à quel point il y avait une différence entre regarder un film sur un téléphone et le regarder sur un grand écran. S'il y a des personnes... qui sont pas comme moi, c'est-à-dire une millennials, elles vont pas mal rigoler en se disant on a capté que c'était différent quand même. Oui, mais on a tellement l'habitude, enfin surtout nous, tellement l'habitude d'être sur nos écrans et de que ce soit pas une différence énorme, que là, quand on travaille dedans, on se rend compte de tous les efforts qu'on fait pour que l'image soit... d'une qualité exemplaire, que les plans soient beaux, que ça soit propre et tout ça. Et donc là, on mesure la valeur, en fait, d'une belle image et d'un beau son et tout ça. Et au-delà de ça, au-delà de l'aspect technique, il y a aussi le fait de prendre un moment pour regarder un film, une vidéo, mais c'est prendre un moment pour. Et ça, j'ai tellement regardé de vidéos sur YouTube dont je me rappelais plus, ou des films dont je me rappelais plus, je me disais, mais je l'ai vu ce film, mais quel dommage, je l'ai oublié. Et en fait, c'est parce que je ne prends pas le moment de regarder. Et le cinéma, je pense que pour un peu bannir cette idée qui est que le cinéma meurt tous les 2 ans à peu près, il y a quelqu'un qui va nous dire que le cinéma meurt parce qu'il y a des écrans plus petits, plus grands, plus je ne sais pas quoi. Peut-être pour éviter de retomber là-dedans tout le temps, il faut se dire que le cinéma, c'est un moment. c'est un moment où on se pose et on fait autre chose que penser à sa liste de courses, faire son travailler, prendre des notes, où on se pose et on rentre dans un univers. Voilà, c'est ça que ça m'a appris en fait. Et toi, tu arrives toujours à prendre ce moment pour voir des films ou il y a des fois où c'est complètement impossible, où tu n'as pas la disponibilité de cerveau ou... Ouais, mais du coup, quand je n'ai pas la disponibilité de cerveau, je ne le fais pas. C'est ça, tu te dis non, non, non, là, c'est hors de question. C'est pour ça qu'en ce moment, par exemple, je travaille beaucoup en ce moment, surtout le soir. Et ben, je ne regarde rien en ce moment. Mais je regarde rien parce que j'ai envie d'être disponible. Sinon, je trouve ça tellement dommage. Si je m'endors devant un film, je l'arrête. C'est une discipline. Ouais. Et c'est marrant parce qu'en t'écoutant, tu donnes vraiment l'impression que c'est pas forcément YouTube. En fait, YouTube t'a donné l'occasion de travailler des images. Mmh. Mais en fait, c'est pas vraiment en regardant YouTube, c'est plus en travaillant les images que tu t'es rendu compte du travail et donc de la nécessité de prendre le temps de ces images. Donc c'est plus en fabriquant des films que tu t'es rendu compte de cette importance, plus que sur YouTube, finalement. Oui, tout à fait. Et aussi en prenant conscience de tout le travail que demande un projet audiovisuel. Quel qu'il soit, en fait. Quel qu'il soit, il y a du montage, il y a la composition d'un cadre, il y a une interprétation, il y a un choix. Et en fait, je voyais défiler des commentaires parfois qui disaient « Oh, je suis juste allée à la fin pour voir » ou « Je suis juste allée au début » ou « Je vois ce qu'on appelle le watch time hein, sur YouTube qui permet de regarder où est-ce que les gens s'arrêtent ou est-ce que les gens reprennent la vidéo. » Et en fait, en voyant tout ça, je me suis dit « Mais c'est tellement dommage !» On passe à côté de tellement de choses de la part du créateur. Et puis moi, j'aime bien justement ces vidéastes comme Y Penser, par exemple, fait beaucoup ça, qui va cacher des éléments dans la vidéo qui forcent les gens à rester jusqu'au bout ou qui vont entrer en interaction avec le spectateur pour qu'ils aillent au bout de l'expérience de la vidéo. Ça, je trouve ça chouette de faire comme ça. Bah oui, c'est des bons petits tips pour continuer. Parce que oui, tu parlais du fait que ce qu'on t'a demandé, est-ce que ça aussi, YouTube a changé ta manière de fabriquer des films? Et t'as dit que bah oui, ça t'avait donné un peu des tips pour fabriquer des objets audiovisuels avec plus de contraintes, etc. C'est vrai que le cinéma, c'est un peu une histoire de contraintes de toute façon. Oui, oui. Et est-ce que t'as des exemples d'ingéniosité sur YouTube? Eh bien, souvent, en fait, ce qui me manque sur YouTube, c'est le temps, plus que l'argent. En fait, je le mettrais en premier, que le temps manque. Parce que oui, l'argent manque aussi, hein, mais le plus souvent, c'est vraiment les timings sont très serrés. Et donc, il faut trouver des astuces, en fait, pour pallier à ça. Et je sais que, par exemple, sur Pensée Futile, donc la série dont vous parliez tout à l'heure, ce qui a été... En fait, le parti pris esthétique, il est de dire les petits sketchs vont toujours être de la même, enfin vont toujours avoir le même découpage. Donc il y a un master, un champ, un contre-champ. On a tourné à deux caméras pour pouvoir nous au jeu proposer plein de trucs sur le master, sur le plan large master. Et puis après sur le champ contre-champ, on affine des trucs de jeu et au montage après c'est beaucoup plus simple. Cette contrainte là. Elle nous a permis de tourner deux épisodes par jour et donc d'avoir plus le temps, en fait. Nous, on avait plus le temps de jouer, quoi, au bout du compte, grâce à tout ça. Et après, ça donne l'identité de cette série, qui plaît ou qui plaît pas, d'ailleurs, parce que c'est particulier, hein. Il y a vraiment trois plans, tout le temps, sauf dans un épisode, mais je ne dirai pas lequel pour pas spoiler celles et ceux qui n'ont pas vu la série. Mais oui, il y a un épisode qui vient casser cette dynamique-là, justement. Et c'est parce qu'il y a une répétition que le fait de casser la dynamique, tout d'un coup, on fait « Waouh, ok !» Et voilà. Dans cette partie suspendue entre mémoire et sommeil, Lou revient sur un film qui lui est très cher. « Big Fish » de Tim Burton, et plus particulièrement sur une réplique qui hante sa mémoire. Vous vous rappelez de cette blague qu'on vous a dit tellement de fois qu'elle n'en est plus drôle? Je crois que c'est un truc comme ça. On vous l'a dit tellement de fois, on vous la répète, et un jour elle vous apparaît comme nouvelle. Mon père faisait partie de ces hommes-là qui racontent des histoires et qui deviennent leurs histoires à tout jamais. Bon, c'est un truc comme ça, bon, très mal résumé, mais c'est en gros, l'idée c'est vous vous rappelez de ce truc que vous entendiez tout le temps et de ces histoires, et un jour on entend une histoire et elle ne sonne pas pareil. Eh bah, ben, il y a des gens qui sont définis par leurs histoires et qui se définissent par leurs histoires Et en fait, c'est une petite astuce pour pas mourir. Moi, c'est comme ça que j'entends le texte. Hein. C'est comme ça que j'entends aussi. Voilà. Parce que bah, mourir, on y passe tous. Il y a juste un moyen de rester dans l'air et dans les particules, quoi. C'est en racontant des histoires. Parce que les histoires, elles se transmettent et elles restent, en fait. Les gens restent pas, mais les histoires, elles restent. Et pourquoi cette citation, d'ailleurs ? Parce que j'adore parler de la mort, c'est super. Non, parce que je trouve que ça définit la création, ça définit pourquoi en fait on fait de la création, parce que on va pas se mentir, c'est quand même très bizarre comme métier. C'est quand même un peu bon, se réveiller un matin et se dire bon, ok, je vais jouer des rôles et bon, ça va être mon métier et je vais transmettre des émotions aux gens et des gens qui vont aimer ça et qui vont en redemander, etc. C'est quand même une démarche qui est un peu bizarre et qui n'est pas toujours évidente. Et c'est souvent motivé, je trouve, par l'envie de rester vivant aussi, quoi. Je trouve qu'il y a vraiment ça derrière. Et du coup, est-ce que cette citation, elle agit un peu comme une boussole pour toi ? Est-ce que c'est pas un mantra, mais quelque chose auquel tu penses en te disant, voilà, c'est... Ouais, carrément, le fait qu'on survit par nos histoires et qu'on vit par nos histoires, ouais, carrément. Et puis c'est aussi, je trouve que ça parle aussi de la relation qu'on a beaucoup, nous, les personnes de notre génération, avec notre père. Parce que ça parle de ça aussi, le film. Mais on est une génération à avoir eu des papas qui, pour beaucoup, ont été absents. Quand je parle avec des amis, ils me disent beaucoup, ah, mon papa, il était pas là, il était au travail. On a eu beaucoup des papas qui étaient des figures paternelles un peu nébuleuses, quoi, qui étaient là, mais sans être trop là. Et souvent, quand on a des bons souvenirs avec eux, et ben c'est les histoires qui reviennent. C'est « Ah, on avait ce moment-là, il m'emmenait au musée, il me racontait telle histoire. » Ou alors, le soir avant de dormir, il me racontait telle histoire. C'est aussi des souvenirs qui nous reconnectent avec nos papas, souvent. Ça, c'est un sujet que j'aime bien aussi. C'est très vrai. Et ce film de Tim Burton, au-delà de cette dernière réplique, il a une place importante pour toi, dans tes goûts ou... Oui, parce que c'est le film que j'ai découvert, je pense, un peu avant Kill Bill, quand j'étais très jeune. Et donc, c'est un film qui m'a impressionnée. C'est-à-dire, je l'ai regardé et j'étais plus la même après. Parce oui, que ça parle de la mort. Et en deuxième question de cette rubrique Mémoire et Sommeil, on t'a demandé une scène que tu aurais aimé rêver. Et on va revenir, surprise, sur Kill Bill. Ah, la meuf est insupportable, elle ne parle que de Kill Bill. Et tu nous as proposé le magnifique combat final du premier Kill Bill, donc, qui oppose Beatrix Kiddo et Oren Ishii. Ouais. Et qui, effectivement, est une séquence très, très onirique, parce qu'elle se passe dans la neige. Elle est beaucoup plus lente que la scène d'avant, qui est complètement frénétique, où on voit Uma Thurman dans cette espèce de dancing japonais, tuer plein de gens à la fois. Enfin, c'est... Et pourquoi cette scène, alors ? Pourquoi t'aurais aimé la rêver, toi ? Parce que je trouve qu'elle suit dans son... À la fois dans le découpage et dans le montage, dans la manière dont la musique est utilisée, elle reproduit la forme d'un rêve. Je trouve que c'est comme Tarantino, dans ce film-là, il n'a pas inventé grand-chose, il a repris énormément c'est très référencé, quoi, Kill Bill. J'en ai pris conscience plus tard, en fait, quand je me suis éduquée au cinéma et tout. Donc en fait il va récupérer plein d'éléments de combat, de films de combat et tout ça, et il va les mettre bout à bout. Et en fait je trouve que, comme tu disais, la scène juste avant, elle est très frénétique, c'est vraiment du gros combat, elle tue 88 personnes, donc vraiment c'est, y en a partout. Et là tout d'un coup c'est très silencieux. À un moment il y a de la musique qui a d'ailleurs vraiment rien à voir avec l'action, c'est une reprise très marrante de Nina Simone, quoi. On se dit vraiment, mais ça n'a aucun rapport avec l'action, ça se passe au Japon, c'est n'importe quoi. Et après, quand la musique s'arrête, il n'y a vraiment que des silences, quelques répliques. Il y a cette espèce de plan sur une fontaine qui bouge comme ça, dans le silence, et puis la neige qui tombe. On a l'impression de flotter, d'être dans un rêve, que tout d'un coup, il n'y a plus de discours, il y a juste des trucs qui se passent comme ça. Et un peu de l'absurdité du rêve aussi, un petit peu. Ouais, que les rêves, ça raconte un peu n'importe quoi. Elle finit quand même par lui trancher la tête et on voit son cerveau. Et puis après, elle dit un mot, une phrase inspirante. Genre, elle dit « Oui, c'était bien le sabre de Hattori Hanzo » et après, elle meurt. Enfin, il n'y a que dans les rêves qu'il se passe des trucs comme ça. C'est pas possible. Bon, et c'est quand même la troisième fois qu'on cite Kill Bill en en une demi-heure. Moi, je me demandais quelle place, du coup, ce film a dans ta cinéphilie, parce que c'est quand même... Ouais, c'est fou. Bah, en fait, ce film, il a une grande place dans ma cinéphilie. C'est le premier film qui m'a donné envie de faire du cinéma, pas que de jouer, mais de aussi de créer de l'image. Et voilà. Et puis, en fait, j'avais quand même vu beaucoup de films où les guerriers sont des hommes. Et là, j'ai vraiment vu une guerrière femme avec une partition physique extraordinaire. J'étais là, ah ouais, les filles, elles peuvent faire ça aussi. Vraiment, ça a été très fort d'avoir un modèle comme ça. Ça a été... je m'en souviens très, très bien. Et donc, ce film-là, il a une place très importante. Et il a aussi d'autant plus une place importante que j'ai eu honte très longtemps que ce soit mon film préféré. Quand je suis arrivée à la fac et que tout le monde citait Fritz Lang, Godard... pas Agnès Varda, quel dommage. Non, mais voilà, que des grands maîtres réalisateurs. Et que moi, j'étais là, pas jamais Kill Bill. Et que Tarantino, c'était un peu le rigolo de la bande, quoi. Et on m'a un peu bien fait comprendre que c'était pas du grand cinéma. Et donc, j'avais un peu honte de dire que c'était mon film préféré. Mais maintenant, j'ai plus honte du tout. Il faut pas. Après, j'ai l'impression que les cinéphiles et les étudiants au cinéma ont un rapport un peu conflictuel à Tarantino, parce que on le découvre à l'adolescence et on l'adore. Puis ensuite, on se dit, ben non, mais en fait, j'ai grandi, maintenant, je suis passé à autre chose. Et finalement, on y revient. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu ce... Ouais, et puis je pense qu'il crée l'envie chez beaucoup d'étudiants au cinéma. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va s'autoriser à faire de la citation, mais qui le fait bien, pas comme les étudiants au cinéma. J'en ai fait partie et j'ai fait des citations ratées, hein, de trucs où je me disais on va faire un plan à la machin truc, et en fait c'est raté, mais c'est normal parce qu'on apprend, hein, on est là pour ça. Et en fait je pense que lui, Tarantino, il fait ça bien, donc c'est ça qui peut être un peu énervant, je comprends. C'est un bon passeur finalement. Voilà, c'est ça. Puis il y a de la jouissance, je trouve, enfin, il le fait, mais il le fait et on a de la jouissance à le voir et à l'imaginer faire. Ouais, il va au bout en fait. Il prend une idée, il la pousse à 300%, quoi. Il va vraiment au bout de ses intentions et dans un style, après, violent. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais moi, j'aime bien. Pour sa carte blanche, Lou nous fait entendre la dernière scène du dernier épisode de la série Fleabag. Le bus, la nuit, en compagnie d'un prêtre très sexy et de l'incroyable Phoebe Waller-Bridge. Eh bien, je suis assise à un arrêt de bus. Il fait nuit, il est très tard. Juste avant, il y avait une fête et donc on est tous un peu bourrés. Mais on est, voilà, je suis posée sur cet abribus, vraiment claqué. Il y a des tags partout, c'est un peu schlagos, mais j'attends le bus. Et à côté de moi, il y a l'homme que j'aime. Voilà, donc on passe un petit moment tous les deux. Et puis... on attend ce bus qui vraiment vient pas et tout d'un coup je lui dis que je l'aime, je lui dis je t'aime, mais comme je parle anglais, je lui dis I love you. Et là on se regarde, on est un peu gêné, et je lui dis non, dis rien, il faut laisse ces mots flotter dans l'air un petit moment. Et je le regarde cette fois-ci vraiment et je lui dis I love you. Il me prend la main, il me regarde et il me dit en anglais, parce qu'il est anglais aussi, il me dit « it will pass », ce qui veut dire en français « ça passera ». Et on se regarde encore et puis après on se regarde plus parce que ça commence à être un peu gênant tout ça, parce qu'on se met à pleurer. Et puis il se lève. Il se met devant moi et il me dit que bon, on se voit dimanche à la messe. Non, je rigole, t'es plus jamais autorisé à rentrer dans mon église, en rigolant. Et je le regarde et je rigole aussi entre deux sanglots. Et là, il me regarde et il me dit I love you. Too. I love you too. Très important. Et puis là, il se retourne et il s'en va. Je regarde le tableau des passages des bus. Et là, je vois que mon bus est supprimé. Bon, eh ben, je vais rentrer à pied, hein. Et là, je vois un renard qui passe. Je lui indique où est parti l'homme de ma vie, en lui disant « il est parti par là ». Le renard acquiesce, ce qui est très chelou, mais il acquiesce. Et il part en direction de l'homme que j'aime. Je me lève pour partir. Je me retourne une dernière fois vers cette caméra que j'ai passé 2 saisons à regarder pour lui signaler que c'est terminé et que je rentre. Et qu'est-ce qu'elle te fait, cette scène ? Qu'est-ce qu'elle place, quelle place elle a pour toi dans ta cinéphilie et... Elle a une place de... Déjà, elle m'a beaucoup impressionnée parce que je suis vraiment amoureuse des mots de Phoebe Waller-Bridge qui a créé la série, qui joue dedans, qui a le premier rôle dedans. Elle est partie d'un seul en scène et en fait, elle a transformé ce seul en scène en série. À la base, le seul en scène, c'est d'ailleurs la saison 1, je crois. La saison 2, elle a été créée après. Et c'est la saison 2, moi, qui me bouleverse le plus parce que je trouve que dans ce dialogue final, il y a tout, en fait. De répondre à quelqu'un et tout le passe après lui avoir dit « I love you », c'est à la fois très violent et à la fois tellement vrai. C'est-à-dire que tout passe, tout finit par passer, que ce soit la série qu'on est en train de regarder, que ce soit là, ce moment, tous les trois, on est en train d'enregistrer un podcast, que ce soit un truc horrible qui est en train d'arriver, tout finit par passer. Et l'amour, le sentiment amoureux, parce que bah, c'est ce qui définit leur relation, c'est la passion, en fait. La passion, c'est un truc qui passe. Et qui, après, pour moi, la relation amoureuse, c'est ce qui, justement, c'est une action. Donc, ça se répète, c'est quotidien et tout ça. Mais le sentiment amoureux et la passion, c'est quelque chose qui passe au bout d'un moment. Et c'est ce qu'il lui dit, en fait. Il lui dit, mais voilà, moi, de toute façon, je suis prêtre, c'est chaud, quoi. Je vais pas... Bon, je sors déjà avec Dieu, c'est compliqué. Donc, en gros, c'est... C'est pour cette dernière scène-là que j'aime cette série, beaucoup. Et c'est marrant parce que souvent nos invités, quand on leur demande une carte blanche, ils nous parlent d'une scène de film, enfin d'un long-métrage, et t'es la première à nous avoir cité une série. Donc, donc je voudrais vraiment savoir comment tu considères cette série qui est vraiment particulière, qui est très ancrée, enfin dans le sens, elle est très concentrée dans le temps. En effet, c'est que 2 saisons, elle ne veut pas en faire plus, c'est 6 épisodes par saison, par épisode c'est 20 minutes, donc c'est très court finalement pour une série. Comme on en fait aujourd'hui. Et donc voilà, quelle place elle a cette série pour toi dans justement ta cinéphilie ? Parce que souvent, on aurait tendance à considérer qu'on parle plus de long métrage ou de court métrage et les séries, on les met un peu sur une case à part. Et en même temps, les séries, c'est ce qu'on regarde le plus, c'est ce qu'on consomme le plus, donc peut-être ce qu'on retient le moins. Enfin, donc quelle place elle a vraiment cette œuvre cinématographique, toi, dans ta cinéphilie par rapport à ouais. D'autres choses ? Moi, je suis assez pour considérer que les séries sont des œuvres cinématographiques, vraiment, parce que j'en avais discuté avec un prof à la fac, justement, quand j'étais en fac de ciné à Paris 1, qui avait dit « Ah non, pour moi, les séries, c'est pas du cinéma. Tu développes pas la même chose, c'est pas la même expérience. Les séries ne sont pas à la hauteur des films. » C'est vraiment ce qu'il avait dit. Et j'avais dit « Bah, il y a certains films qui sont pas à la hauteur des séries non plus, quoi. » Quand tu regardes certaines bouses, tu te dis que bon... Non, puis il y a des réalisateurs qui ont œuvré dans le long métrage, qui se sont mis à la série. Je pense à David Lynch avec Twin Peaks. Voilà. Va lui dire que c'est pas du cinéma, quoi. Non, mais c'est... Je comprends après. Je comprends pourquoi il dit ça. C'est que ça a pas la même histoire, ça a pas le même mode de consommation. La série, elle va pas se consommer dans les salles. Ou en tout cas, je pense pas que ça existe, ça se consomme... Parce que tu t'appelles David Lynch et que tu fais l'ouverture de Cannes avec Twin Peaks 3, mais... Voilà ça, bon. Non, mais ça se consomme, c'est arrivé avec la télévision, en fait, la série telle qu'on la connaît aujourd'hui. On connaît un petit peu la condescendance qu'a eu le cinéma pour la télévision. Donc en fait, il y a toute cette histoire-là aussi derrière. Maintenant, je trouve que des formats comme... Fleabag, qui sont des séries courtes, très efficaces, avec une mise en scène que je trouve extraordinaire et des acteurs et des actrices merveilleux, merveilleuses, ça se place ça se place à la hauteur du cinéma. Bah, y a des expérimentations en plus et sur la narration, sur le développement de son personnage et dans ses jeux de caméra où, alors que ça a été vu et revu au cinéma de casser le quatrième mur, elle joue avec, elle pousse ça encore plus loin. Donc on peut considérer qu'il y a du cinéma dans Fleabag et dans beaucoup d'autres séries aussi. Tout à fait, et je trouve que ce qui est génial avec la série, c'est qu'on peut aller approfondir quelque chose que la contrainte du long métrage ne permet pas. Dans un long métrage, il faut faire tenir une évolution de personnage, une action, un scénario sur 2h30. C'est vraiment court. Et c'est pour ça que le cinéma, c'est aussi génial. C'est que ça arrive à... C'est une vraie contrainte, le temps. Voilà. Il existe des cinéastes qui font des films de 13 heures, mais... Ouais, bon, on les aime bien, on les aime bien. Il y en a, ouais, c'est vrai. Et dans la série, c'est ça qu'on va aller expérimenter. C'est... En fait, il y a aussi le fait que je suis comédienne et je ne vais pas vous mentir, c'est le truc que je regarde en premier. Et en fait, la série, c'est un tel espace de jeu qui est trop bien. Sur un long métrage, tu quittes assez vite le bateau, quoi. Une fois que... Bon, après, il y a des tournages qui sont très longs, hein, qui durent plusieurs mois et tout. Mais souvent, sur une série, y a beaucoup plus de place pour le travail, je trouve. Et pour finir sur la séquence, moi, ce que je trouve assez beau aussi, c'est que c'est une des rares scènes de cinéma qui dit au revoir à son spectateur. Oui, oui. Bah oui, c'est le début d'un deuil, en fait. Hein. Tu dis au revoir à cette relation. Elle dit au revoir à cette relation. Elle nous dit au revoir à nous. Et puis, elle nous dit aussi, bon, maintenant, vous changez de programme. Hein, celui-là est terminé. Je l'ai vu deux fois en plus. Je lui ai dit au revoir deux fois. Donc ouais, ça marque un mini deuil, quoi. C'est vraiment la sensation avec laquelle on ressort quand on a vu la série. On parle beaucoup de la mort, hein, je suis désolée. C'est normal. C'est de ceux qui nous écoutent, c'est un peu le sujet. Dans cette avant-dernière catégorie consacrée à la transmission au cinéma, Lou revient sur son désamour pour l'œuvre culte Blade Runner et sur le poids de certains films dont la réputation de chef-d'œuvre écrase les spectateurs plutôt qu'il ne les emporte. Non mais en fait, dans votre question, vous avez bien dit un film que tu détestes mais que tu recommandes. Pas un film que je déteste et que je ne vais pas recommander. Je le recommande. Comment ? C'est là tout l'enjeu. Oui voilà, c'est ça. Mais en fait, Blade Runner, c'est un bon film. C'est juste que moi, je me suis royalement ennuyée devant. Et qu'il y a une scène qui m'a beaucoup gênée. Il y a une scène où Harrison Ford, son personnage, il violente pas mal le personnage de... Aidez-moi. Je sais pas comment elle s'appelle. Je ne sais plus, vous nous direz, vous les spectateurs et les spectatrices. Vous voyez très bien de qui je parle. Mais en fait, il faut savoir que dans cette scène, la comédienne, elle s'est vraiment fait mal. Et que c'est pas cool. Moi, j'aime bien quand la violence est esthétisée. Encore une fois, j'aime pas qu'on fasse vraiment mal aux gens. Ça me gêne terriblement, en fait. Donc, j'étais pas très à l'aise avec ça. Et en plus, le film m'a ennuyée, alors qu'il est très beau. Visuellement, c'est vraiment magnifique. Ça m'a ennuyée et j'ai eu un tout petit peu cette impression que je peux avoir parfois avec certains films qu'il se passe un truc que je comprends pas. Et si je comprends pas, eh ben, c'est de ma faute. Et ça me fait sentir un peu stupide. J'aime pas trop ça. Oui, c'est le côté un peu mauvais joueur, en se disant, mince, quelque chose m'a échappé, donc j'en ai peut-être pas assez profité. Voilà. C'est ce que j'ai ressenti avec Tenet, par exemple. Oui. J'ai ressenti la même chose. Tenet, j'ai eu l'impression que Nolan m'expliquait un truc que j'étais un peu trop stupide pour le comprendre. Et du coup, ça m'a mis un peu mal à l'aise. Je me suis dit, ok, d'accord, je vois que les gens, ils marchent à l'envers. J'ai compris le principe. Qu'est-ce que tu cherches à nous dire, là ? Voilà. Après, là, tu cites deux films qui ont des scénarios... extrêmement compliqué en fait. Ouais. Enfin, les films en eux-mêmes ne le sont pas tant que ça. C'est vraiment les histoires qui prennent mille détours et qui effectivement peuvent vite donner l'impression au spectateur d'être complètement perdu aussi. Enfin... Oui, et puis dans la direction des acteurs, je trouve qu'il y a un truc où on leur a demandé d'être très sûr d'eux dans leurs intentions. Du coup, il n'y a pas d'empathie. C'est-à-dire qu'on voit des gens à l'image qui ont l'air hyper sûrs de ce qui se passe, qui ont un vocabulaire et qui nous emmènent dans un univers où tout est OK et il n'y a aucun personnage qui ne comprend pas. C'est ça qui est hyper important. Je trouve que quand même un acteur, c'est ce quelque chose d'humain à l'écran. Je sais plus quel théoricien du cinéma disait ça. Je crois que c'est Stanley Cavell, mais je suis pas sûre. Bon, bref, vous vérifierez. Mais c'est ce qu'il y a d'humain à l'écran. C'est super important. Si tu rates ça, tu passes à côté de l'empathie. Donc, tu passes à côté de l'univers. Voilà, exactement. Et c'est vrai que tu as cité deux films qui sont extrêmement froids aussi. Voilà. Et en fait, c'est un problème que j'ai. À ce moment-là, elle vient de là, cette sensation de supériorité. Je pense que c'était pas du tout l'intention des metteurs en scène, pour le coup. Aucun metteur en scène a envie de dire « Alors, j'adore être au-dessus du spectateur. » Alors, moi, vraiment... Je pense pas qu'ils aient cette intention-là, à la base. C'est juste que c'est vraiment ce que ça me fait ressentir. Mais justement, par rapport à Blade Runner, pourquoi tu le recommanderais malgré tout ? Ah oui, alors malgré tout, je le recommande. Parce que c'est encore une fois, le seul souvenir que j'ai, c'est la mise en scène et c'est l'ambiance. Et alors là, il est très réussi sur l'atmosphère. Donc, il y a un très beau travail de lumière, il y a un très beau travail sonore aussi. Et pour ça, c'est très réussi. Et pour ça, il faut le voir, je pense. J'ai pas vu le 2, en fait, parce que j'ai pas aimé le 1, alors qu'on m'a beaucoup recommandé le 2. Mais je sais qu'au niveau de la mise en scène, c'est très réussi. Et que si ça plaît à beaucoup, je me dis que si ça plaît à beaucoup de gens, c'est qu'il y a une raison, quelque part. Même si je suis pas d'accord avec eux, c'est pas grave. C'est beau de penser les choses comme ça. Et est-ce que le fait que ce soit aussi considéré comme un chef-d'œuvre ultra culte qu'il faut voir, est-ce que ça n'a pas pesé aussi sur ton visionnage ? Si. Et justement, le fait de dire « je comprends pas, donc je suis exclue de ce truc-là », alors que c'est censé être quelque chose de culte où tout le monde adhère. Mais oui, si, si, il y a aussi ça. Ça, c'est souvent aussi un problème que j'ai rencontré à la fac quand j'étais entourée de cinéphiles. C'est ces gens qui me disaient... Attends, t'as pas vu 2001 ? Non, mais voilà, enfin, vraiment des trucs où tu te dis attends, t'as pas vu ça, t'as pas vu ça. Donc, tu t'attends à quelque chose d'extraordinaire et tu passes à côté. Ce que je n'ai pas du tout eu avec Cléo de 5 à 7 de Agnès Varda. C'est tellement pas un truc de cinéphile, de cinéphile, de mecs qui ont regardé Godard et qui font waouh, mais c'est un génie en fait. C'est tellement pas cette cinéphilie-là. Parce que Agnès Varda, elle était là avant eux en fait. Non mais c'est réel, Agnès Varda, elle était là avant eux et ils se sont inspirés de son travail, voilà la vérité. Non mais quand je l'ai découvert, c'est un réalisateur qui m'a conseillé le film parce que je lui avais parlé du fait que je trouvais pas de personnage féminin qui avait quelque chose d'intéressant à défendre dans les films que je regardais. Et surtout les films de cette époque-là, des années 60, je me disais à chaque fois les personnages féminins n'ont pas grand-chose à défendre et c'est très dommage parce que bon, bah, on n'existe pas quoi, ça veut dire... Et donc, il m'avait donné le DVD de Cléo de 5 à 7. Et en fait, je l'ai regardé et le premier visionnage, j'ai un peu fait « Ouais, ok, c'est quoi ce film ?» À un moment, elle chante, on ne sait pas pourquoi. J'avais pas trop compris, mais il y avait un truc qui m'intriguait, où je me suis dit « Je pense qu'il faut un deuxième visionnage. » Et c'est devenu mon film préféré avec Kill Bill. Vraiment. Donc, c'est pour dire, je pense que si on m'avait dit « Regarde-le, c'est cultissime. Oh là là, t'as pas vu Cléo de 5 à 7 ?» je pense que je serais restée sur ce visionnage. Je me serais dit, voilà. C'est pour ça que quand quelqu'un n'a pas vu un film qui est culte, je ne dis pas, oh là là, t'as pas vu Titanic ? Je dis, génial, t'as pas vu Titanic. Ça veut dire que tu vas vivre l'expérience de voir Titanic pour la première fois. Tout la complexité de conseiller les films. Oui. Oui, oui, oui. Et alors, on va passer de Cléo de 5 à 7 à quelque chose de complètement différent. Ceci dit, on chante aussi dans le film dont on va parler maintenant. Parce que comme tu fais de la musique et que tu en parles aussi beaucoup sur ta chaîne YouTube, que tu fais des reprises, on t'a aussi demandé un film que tu aimerais transmettre par sa bande originale ou peut-être même dont tu préfères la bande originale au film lui-même. Et alors, tu nous as cité Tenacious D, The Peak of Destiny. Donc, le film avec et de Jack Black, justement, qui appartient à un genre... assez particulier des années 2000 qui est la comédie musicale rock un petit peu, enfin c'est vraiment un genre très très très ancré dans les années 2000, je trouve, en tout cas ce film pour le coup. Je dirais même que c'est une comédie clippée, parce que ce qui définit la comédie musicale, c'est pas tellement la musique, c'est plutôt la danse en fait, à vrai dire. Quand on regarde l'histoire de la comédie musicale, c'est des gens qui dansent, donc oui, il y a de la musique, et après il y a des gens qui chantent, qui dansent, qui font tout en même temps. Mais là, c'est pas vraiment une comédie musicale puisqu'ils dansent pas, il y a pas de chorégraphie, c'est juste ils vivent leur vie et tout d'un coup ça devient un clip et ils chantent. Et c'est un film où quand même le tout début, c'est une petite animation qui te conseille d'avoir pris certaines substances pour regarder le film. Donc tu pars là-dessus quoi, tu regardes t'appuies sur play sur ton DVD et tu vois Jack Black qui te fait it's better to smoke weed, et tu fais ok, super, je passe un bon moment. Et en fait ce qui est génial, c'est que le film est est intimement lié à sa bande son, parce que c'est des chansons qui s'écoutent comme t'écouterais un album de rock. Et en fait, il y a aussi un film qui va avec. Ça raconte l'histoire d'amitié entre Jack Black et Kyle Gass. Ça raconte leur collaboration réelle, en fait. Et eux, après, ils se sont tapés un délire sur comment ils se sont rencontrés, comment ils ont joué avec le diable. Enfin, voilà. Et c'est aussi de la comédie. C'est de la bonne comédie. Puis ça a un peu vieilli parce que c'est années 2000. Donc moi, j'aime bien, quoi. C'est un peu gras. C'est un peu l'humour. C'est un peu caca, pipi, brout. Et je trouve ça super marrant. Et comme c'est de très bons musiciens, la bande-son est super. C'est-à-dire qu'ils arrivent à vraiment faire des blagues nulles, mais à nous emmener vers des clips qui déchirent, en fait, qui sont vachement bien. Et c'est ce qui nous fait adhérer au truc. Sinon, ce serait juste gras et pas très rigolo, du coup. C'est vrai que Jack Black a de réelles capacités vocales. Mais oui. C'est impressionnant, quand même. Mais toi, justement, est-ce que la BO, tu la réécoutes de temps en temps? Ça grave, j'écoute plus la BO que le film. Oui. Je regarde moins le film que j'écoute la BO. Et c'est le dernier. Tenacious D, c'est le dernier concert que j'ai vu avant le confinement aussi. Donc il a une place particulière dans mon cœur. Et il y a une chanson que tu préfères dans le film, enfin dans l'album, du coup? Je dirais que c'est Beelzebuth, ma préférée. C'est que c'est celle quand il joue contre le diable. Ah oui, à la toute fin. Oui, voilà. Moi j'aime beaucoup la toute première aussi, Kickapoo, quand il est petit là. J'adore. Elle est géniale. Elles sont géniales. Pour clore ce portrait en beauté, notre invité convoque son refuge plus grand et plus épique que la vie elle-même, la trilogie du Seigneur des Anneaux, réalisée par Peter Jackson. Pour moi, le terme refuge, c'est un endroit où tu reviens. Et dans l'idée de refuge, il y a une idée de c'est l'endroit où on fait pause. On fait pause de la vie. Et donc, moi, mon film Refuge, c'est la trilogie, surtout le dernier, parce que je l'aime vraiment particulièrement. C'est des films que je vois tous les ans. Tous les ans, bah, ça va être la période là où je vais me poser pour les regarder. Film de Noël. Voilà. Moi, je suis moins Harry Potter en film de Noël. Je suis vraiment Seigneur des Anneaux. Et ça marque souvent la fin de l'année pour moi. C'est assez rituel. Et je les regarde une fois sur deux en VF ou en VO, parce que la VF est vraiment excellente. Le travail sur la VF est fou. Donc j'adore. pour moi, les deux versions se valent totalement. Et qu'est-ce qui est refuge un peu pour toi dans ce film-là? Est-ce que c'est le fait que justement ce soit long? Parce qu'en plus, si tu les regardes les trois dans leur version longue, t'en as vraiment pour pas mal de temps. Est-ce que c'est le fait que ce soit assez grandiose? Enfin, qu'est-ce qui pour toi te constitue un peu ce refuge, cette possibilité de faire pause? Aussi, peut-être que c'est le fait que ce soit dans un univers autre? Ben, c'est ça. Alors, ouais, il y a vraiment tout ça. Il y a la longueur des films, il y a aussi l'esthétique. Moi, je suis pas fan des versions remasterisées où ils ont un peu refroidi l'image, parce que je sais pas pourquoi ils ont fait ça d'ailleurs. Il y a des nouvelles versions maintenant où l'image est plus froide, plus lisse aussi. Ouais, plus lisse. Et moi, j'aime bien justement cette image presque sépia parfois. Et puis là, le grain de la pellicule est vraiment très beau. Et donc il y a tout ça. Il y a le rapport à la nature aussi, parce que Peter Jackson, il s'est éclaté. Il a tourné en Nouvelle-Zélande. Il est amoureux de son pays, donc. Il s'est vraiment éclaté sur les paysages et à chaque fois, c'est une évasion. Quand je regarde le Seigneur des Anneaux, c'est souvent après une année de dur labeur où j'ai pas trop quitté la ville. Et là, je suis en Nouvelle-Zélande, dans des paysages magnifiques et ça me fait un bien fou. Il y a toute cette épopée, il y a l'idée d'un voyage et je pense que je m'identifie beaucoup au fait qu'une année, pour moi, c'est souvent un long voyage où je porte l'anneau comme ça et où je dois aller le mettre dans le feu et à la fin, je me bats avec Gollum. Enfin, vraiment, je m'identifie beaucoup à cette idée qu'une année, c'est un long voyage. C'est parfois un peu difficile et où le fait d'avoir des amis et de former une communauté, c'est souvent ça qui te sauve, quoi. C'est qu'on se sent très seul, mais en fait, on est tous liés et c'est ça qui est très beau. Et puis après, il y a tous les thèmes, l'amour. Non, mais le personnage d'Aragorn, c'est quand même beau parce que c'est un roi déchu qui trouve pas sa légitimité alors qu'il est surpuissant, le gars. Et c'est souvent ce que j'ai envie de dire à mes copines ou à moi-même, hein, qui avons du pouvoir mais qui avons du mal à l'utiliser. C'est très beau toutes les fragilités, les vulnérabilités de chaque personnage. Puis il y a la mort aussi. Et il y a la mort, bien sûr. La mort. Mais c'est assez rigolo que tu associes la période des films refuge à la fin de l'année, parce que effectivement, je crois que tous les Seigneurs des Anneaux sont sortis au moment de Noël, en fait, et la plupart des Harry Potter aussi. Donc je pense qu'inconsciemment, il y a cette idée que les refuges, les films refuges, on peut les regarder à ce moment-là de l'année, à mon avis. Oui, c'est ça. C'est... Je me vois mal. Ça m'est arrivé de regarder les Seigneurs des Anneaux en été. Ça fait pas pareil. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil, il y a moins le plaid, il y a moins la petite tasse de thé, et puis ouais, l'évasion. Et en effet, t'as choisi un super joli mot, c'est que c'est grandiose. Et je trouve que quelque chose de grandiose, moi, ça me rassure énormément. Merci beaucoup, Lou, d'être venue dans notre émission. On remercie également Elodie Imbeau qui nous a permis d'enregistrer à la Cinémathèque, et Gabriel Régnier pour sa musique. À la prochaine !